Est-ce que tu m'entends de là-haut? Tu veux dire si les mots sont plus beaux? Peux-tu me dire si l'air est aussi chaud? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu m'entends? Thank you. Un bon appétit.